démarrer sur Skyrock. Démarrer sur Skyrock. Skyrock Classics. Blue told me, remind you,

volume one. Les plus grandes découvertes Skyrock de tous les temps sont dans Skyrock Classics, 18h-20h tous les dimanches avec NTM. À l'instant, c'était deux sons d'NTM, Sense and Style et Affirmative Action avec Naz, et ça fait plaisir à pas mal de gens, hein. Jeremel, impossible à lire ton truc là, G-R-E-M-E-L. Que des grosses dingueries ce soir dans Skyrock Classics, la double à NTM, elle passe crème. Il y a aussi Laura qui a kiffé ce bon son en plein soleil, et ouais, Skyrock Classics ça continue. Tu parles de soleil, elle va t'en apporter Rihanna avant 19h, deux titres de Rihanna. Le premier avec lequel vous l'avez découvert sur Skyrock, évidemment, Pound the Replay et Man Down. Rompapapam. Ah, sauf que c'est l'instru, c'est pas l'extrait, elle va pas chanter. Bah, elle va chanter en entier dans un instant, bougez pas. Rihanna, Pound the Replay, Man Down et Rihanna, pas loupé, tournée Skyrock. Ça se passe du 15 au 30 juillet. À Nice, à Lyon, à Lille, à Paris, vos places. Prenez-les sur le www.skyrock.fm. Écoute Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Avec Youssoufa, Youssoufa et Irma, voici Aino avant la double de Rihanna, c'est Pound the Replay et Manda, on a écouté avant 19h dans Skyrock Classics. Comment tu pourrais leur dire? I'd like to tell you just a word, yeah. I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. I heard you telling you don't care, I heard you thinking loud and clear. Doesn't make me proud of you. Yeah. I know your time is precious, but give me just a second. I need to straighten things out with you. You blew my hopes and dreams away, and there is not a single day I don't feel the words because of you. Je sais que tu coules, je sais ce que tu coûtes. Je sais que tu tournes et tu tournes et que tu doutes. Je sais que la justice ne se trouve que dans les cieux. La vérité est un mensonge qu'on se dit droit dans les yeux. Je sais que t'as peur quand la foule vient m'écouter. Je sais que tu pleures quand mes paroles te font douter. Je sais que tu es dur quand tu tiens les armes. Le pouvoir sans abus n'a jamais eu aucun charme. Je sais que tu mens, que tu te mens à toi-même. Et tes sentiments ne peuvent pas cacher tes travers. Et quand tu me blesses, je résiste au mal. Toi tu m'aimes avec ta haine comme un pompier pyromane. Je sais que tu m'as trahi quand c'était la zermie. Je sais que je t'ai haï bien plus que mes ennemis. Je sais que tu saignes quand les mots deviennent des images. Je sais que tu sais que l'on sait. Demande à Irma, demande à Irma, demande à Irma. Tu sais qu'on est brave, tu sais qu'on est barge, tu sais qu'on a le poids de ce monde dans nos bras. Tu sais qu'on est grave, tu sais qu'on y croit, tu sais qu'on vient de loin mais qu'on ira chez les rois. Tu sais qu'on est brave, tu sais qu'on est barge, tu sais qu'on a le poids de ce monde dans nos bras. Tu sais qu'on est grave, tu sais qu'on y croit, tu sais qu'on vient de loin mais qu'on ira chez les rois. Tu sais qu'on est large, tu sais qu'on est là, tu sais qu'on a toujours oublié d'être lâche. Tu sais qu'on s'en sort, tu sais qu'on est fort, tu sais qu'on vient le dire, notre parole vaut de l'or. Mais tu sais que... Au départ, ils n'étaient que sur Skyrock. Aujourd'hui, tu les entends partout. Skyrock Classics. Show you how we do. and show you how to move. Come, come, Mr. DJ, somebody's girl. Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? All the girls when they dance for wanting some more. Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? Come, Mr. DJ, somebody's girl. Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? All the girls when they dance for wanting some more. Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? Hey, mister, please, Mr. DJ, tell me if you hear me. Turn the music up. Hey, mister. Hey, mister, please, Mr. DJ, tell me if you hear me. Turn the music up. It goes one by one, even two by two. Everybody in the club when we rocking, when I'm through. Let the bass from the speakers run through your sneakers. Move both your feet and run to the beat. Come, run, run, run, run. Everybody move, run. Let me see you move. Shake it till the moon becomes the sun. Everybody in the club, give me a run. If you ready to move, say yeah. One time for your mind, say yeah, yeah. Well, I'm ready for it. Come, let me show you. You want to groove, I'ma show you. Mama, I just shut a man down in

ain't really much out here that's popping off without us, nigga. We just want the credit where it's due. I'ma worry about me, give a fuck about you, nigga. Just as a reminder to myself, I wear every single chain, even when I'm in the house. Cause we started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. No new niggas, nigga, we don't feel that. Fuck a fake friend, where your real friends at? We don't like to do too much explaining. Story stay the same, I never changed it. No new niggas, nigga, we don't feel that. Fuck a fake friend, where your real friends at? We don't like to do too much explaining. Story stay the same, through the money and the fame. Cause we started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here, nigga. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Ils ont tous démarré sur Skyrock. Démarré sur Skyrock. Skyrock Classics. Be too strung out on compliments, overdosed on confidence. Started not to give a fuck and stop fearing the consequence. Drinking every night because we drink to my accomplishments. Faded way too long, I'm floating in and out of consciousness. And they saying I'm back, I'd agree with that. I just take my time with all this shit, I still believe in that. I had someone tell me I fell off, ooh I needed that. And they wanna see me pick back up, well where'd I leave it at? I know I exaggerated things, now I got it like that. Tuck my napkin in my shirt cause I'm just mopping like that. You know good and well that you don't want a problem like that. You gon' make someone around me catch a body like that. No, don't do it, please don't do it. Cause one of us goes in and we all go through it. And Drizzy got the money, so Drizzy gon' pay it. Those my brothers, I ain't even gotta say it. That's just something they know. They know, they know, they know. They know, they know, they know. They know, they know, they know. Yeah, they know, yeah. That the real is on the rise. Fuck them other guys. I even gave them a chance to decide. Now it's something they know. They know, they know, they know. Yeah, I be yelling out money over everything. Money on my mind. Then she wanna ask when it got so empty. Tell her I apologize, happened over time. She says they missed the whole Drake, girl, don't tempt me. If they don't get it, they'll be over you. That new shit that you got is overdue. You better do what you supposed to do. I'm like, why I gotta be all that? But still I can't deny the fact that it's true. Listen to you expressing all them feelings. Soap opera rappers, all these niggas sound like all my children. And that's who you thinking is about to come and make a killing. I guess it really is just me, myself, and all my millions. You know that they ain't even got it like that. You gon' hype me up and make me catch a body like that. Cause I live for this, it isn't just a hobby like that. When they get my shit and play it, I ain't even gotta say it. They know. They know, they know, they know. They know, they know, they know. They know, they know, they know. Yeah, they know, yeah. That the real is on the rise. Fuck them other guys. I even gave them a chance to decide. Now it's something they know. They know, they know, they know.

fais exploser ma tête. À genoux, je te demande pardon, tu m'éblouis. Normal, t'es mon soleil, je suis ta lune. Faisons une éclipse, c'est l'apocalypse. Quand tu traces, mon cœur se crispe, mais sans rancune. Quand la première fois t'as déboulé dans le studio, j'étais en train d'écrire studio. J'ai lâché mon stylo et je me suis dit, elle est stylée. Ah, dans les studios de Skyrock, c'est chaud. Elle a PIN. Avec le bubble, ça sera jamais la FIN. Quand t'as un la laisser partir, je suis négro Roméo Misto, trop jeune pour mourir. I'm a survivor. en surviving. Et dédicace à vous tous les survivors qui écoutent Skyrock Classics entre 18h et 20h tous les dimanches. C'était les trois filles, Michelle Williams, Kelly Rowland et l'incontournable Beyoncé. Survivor, le son des Destiny's Child, c'est le groupe avec lequel Beyoncé a été découverte mondialement. Et après elle a cartonné sur Skyrock avec ces sons là, notamment Beyoncé est à l'honneur dans la roulette. On vous offre les places pour aller la voir en concert Skyrock unique au Stade de France. Ça se passe le 21 juillet. Les places vous les grattez sur Skyrock tout au long de la journée. Soyez bien à l'écoute, Skyrock Classic ça continue maintenant avec Doc Gynéco, voici Nirvana. Et vu que c'est une double émission, il y a un deuxième Doc Gynéco juste après avec Passy. Est-ce que ça le fait? J'opte pour ma paire de Puma. Elle guide mes pas à pas. J'ai fait le bon choix et j'y crois. Je n'ai pas touché mais caressé tous mes rêves. Je demande une trêve, le doc est en grève. Plus rien ne me fait kiffer, plus rien ne me fait marrer. De la fille du voisin, je suis passé à de jolis mannequins très convoités. Ma petite amie, elle est belle, elle est bonne. Elle s'appelle Brandy Keenan. Si tu veux je te la donne car plus rien ne m'étonne. J'en ai marre des meufs, j'en ai marre des keufs. C'est toujours la même mouille, toujours les mêmes fouilles. Comme Bérégo voit, aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le Nirvana. Comme Bérégo voit, clic clic boum. Aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le Nirvana. Comme Bérégo voit, aussi vite que Sénat.

avec Just Lose It, Eminem à l'instant, la double d'Eminem qui se termine à l'instant. Il y avait eu juste avant Without Me, Skyrock Classics. On revient dimanche prochain entre 18h et 20h. Et comme le dit bien Soso du 13, Eminem, c'est plus la peine de le décrire, c'est une légende. Et Jules du 02, merci Maxime pour ces 2 heures de son. Bah t'inquiète, retour de Skyrock Classics dimanche prochain entre 18h et 20h. Il est 20h04, on est à la bourre. Mais bon, Stéphane n'est pas là, c'est moi qui fais le ITS. Allez, c'est parti. 14h à New York, 11h à Los Angeles.